ka pa sote. Si gen la vi genyen espoir, depi gen bon tan, n'a toujou chante. Le la pluie fin tombe, le soleil toujou leve. Nou te toujou jure, se pou n'avanse. Fè gè yo kontan, leve, danse. Malichon, malichon, jazz la pa m'krasé. Malichon, malichon, malichon, nou te toujou jure sa. Malichon, malichon, malichon, fon fè moun yo chope. Chope, oui. Si nou vle chope, nou mèm danse. C'est comme ça. Ewa, ewa. Nous misons en route, nous portons pour nous vélo. Ewa, ewa. On ne doit presser pas, j'en fais jour l'ouvrir. Ewa, ewa. La fumée montée, mes amis. Température a changé. Tout le monde sous combat. Ewa, ewa, ewa, ewa. Si la fumée montée, ewa. Température a changé. Ewa, ewa. Sous combat, yo. Ewa. Ouais, tu peux lever. Ewa, ewa. Ouais, les pompiers. Papa, en vérité, yo papa, en vérité, yo papa. inimitié pas crasé. On mérite pas crasé. On mérite pas crasé. Suspend, pas les, suspend, rincer.